un enfant voit le jour. Tu connais le secret de la mer. Tu vois la joie mêlée de crainte. Tu entoures la maison de ta lumière. Donne un temps pour se retirer. Se reposer sous ton regard. Tu prépares le chemin du cœur pour revenir plus près de ton autel. Dans le sang et dans les larmes, tu écris déjà ton. Sont passés, tu invites à s'approcher du sanctuaire, à déposer au seuil de l'autel un sacrifice simple et sincère. Que l'offrande soit grande ou petite, tu regardes d'abord au cœur, tu accueilles celle qui vient tremblante, tu recouvres sa vie de ta faveur, tu n'écrases pas la flamme fragile. Relève les mains fatiguées. Tu rappelles que toute impureté peut être lavée par ta bonté. Dieu qui purifie, Dieu qui consacre, tu ouvres un chemin vers ta présence. Nouvelle maman, nouveau miracle, tu poses ta paix sur son silence. Dieu qui purifie, Dieu qui restaure. Déposer ta joie, ton avenir. Tu n'oublies ni l'enfant ni la mère. Tu sanctifies ce lien fragile. Tu fais de ce moment de faiblesse une offrande qui t'est précieuse, utile. Dieu qui purifie, Dieu qui consacre, tu ouvres un chemin vers ta présence. Nouvelle maman, nouveau miracle. Tu poses ta paix sur son silence.